Chapitre 2. Le jour de l'intercession de la Sainte Vierge, Kasatsky entra au couvent, afin de s'élever au-dessus de ceux qui avaient voulu lui montrer qu'ils étaient plus hauts que lui. Le supérieur du couvent, un gentilhomme, était un savant religieux, un écrivain, qui appartenait à cette lignée de moines sortis de Valaki, qui se soumettent absolument au maître qu'ils ont choisi. Le supérieur était le disciple d'un religieux très connu, Ambroise, lui-même disciple de Macaire, qui était disciple de Léonide, disciple de Païssy Velichkovski. Kasatsky se soumit à ce supérieur comme à son maître. Outre la conscience de sa supériorité sur les autres que Kasatsky éprouva au couvent, là comme partout ailleurs, il trouva de la joie à atteindre la perfection la plus grande aussi bien intérieure qu'extérieure. De même qu'au régiment il était non seulement un officier parfait, mais encore faisait plus qu'on exigeait de lui, de même il tâchait d'être un moine parfait, travaillant toujours, sobre, doux, et principalement, pur, non seulement dans les actes mais en pensée, et enfin humble. Cette dernière qualité surtout lui allégeait la vie. Si certaines exigences de la vie au couvent, qui était proche de la capitale et qu'on visitait beaucoup, ne lui plaisaient pas, le scandalisaient, tout cela était effacé par l'humilité. « Ce n'est pas mon affaire de discuter. Mon affaire est d'exécuter ce qui m'est ordonné, que ce soit la veillée devant les saintes reliques, le chant dans le cœur ou la comptabilité de l'hospice. » La possibilité du doute en n'importe quoi était écartée par la même humilité devant le supérieur. Sans cette humilité, il eût été ennuyé de la longueur et de la monotonie des exercices religieux, des allées et venues des visiteurs et des défauts de la confrérie. Tandis qu'il supportait tout cela, non seulement joyeusement, mais cela faisait la consolation et le soutien de sa vie. Je ne sais pas pourquoi, il faut écouter plusieurs fois par jour les mêmes prières, mais je sais que cela est nécessaire, et, sachant que c'est nécessaire, j'y trouve la joie. Le supérieur lui avait dit que, de même que la nourriture matérielle est nécessaire pour soutenir la vie du corps, de même, la nourriture spirituelle, la prière à l'église, est nécessaire pour soutenir la vie de l'âme. Il le croyait, et le service religieux qui l'obligeait à se lever de très bonne heure, ce qui parfois lui était dur, lui apportait le calme et la joie. La conscience de son humilité, l'accomplissement, sans discuter, d'actes tous prescrits par le supérieur, le rendait heureux. L'intérêt de sa vie consistait non seulement en une soumission de plus en plus grande de sa volonté, en une humilité de plus en plus profonde, mais aussi dans l'atteinte de toutes les vertus chrétiennes qui les premiers temps lui paraissaient facilement accessibles. Il avait donné tout ce qu'il possédait au couvent, et ne le regrettait pas. Il n'avait pas de paresse, l'humilité devant les inférieurs lui était non seulement facile, mais lui donnait de la joie. Même la victoire sur le péché de luxure, ainsi que sur la cupidité, il l'obtenait très facilement. Le supérieur le mettait en garde surtout contre la luxure, mais Kasatsky se réjouissait d'être affranchi de ce péché. Seul le souvenir de sa fiancée le tourmentait, et non seulement le souvenir, mais la représentation vivante de ce qui aurait pu être. Il se représentait, malgré lui, une favorite de l'empereur qu'il avait connue, qui ensuite s'était mariée, et était devenue une très bonne épouse et mère de famille. Son mari occupait une très grande situation, avait le pouvoir, les honneurs, et une bonne épouse repentie. À ces bons moments, ses pensées ne troublaient pas Kasatsky. Quand elle lui venait alors, il se réjouissait de s'être affranchi de ses séductions. Mais à certains moments, s'effaçait tout ce de quoi maintenant il vivait. Il ne cessait pas de croire en ce qui faisait sa vie, mais il cessait de le voir. Et alors le souvenir, et chose terrible à dire, le regret de sa conversion, le saisissait. Le seul moyen d'échapper à cela, c'était l'obéissance et le travail. La journée toute remplie par la prière. Comme il en avait l'habitude, il se prosternait jusqu'à terre, il priait même plus que les autres jours, mais il priait avec son corps seul, l'âme n'y était pas, et cela durait un jour, parfois deux jours, et ensuite passait. Mais ces journées étaient terribles. Kasatsky sentait qu'il n'était plus maître de soi, qu'il n'était pas même au pouvoir de Dieu, mais au pouvoir de quelque étranger, et tout ce qu'il pouvait faire et faisait en ces moments, ce que lui conseillaient ses supérieurs, c'était de se tenir sur ses gardes, de ne rien entreprendre et d'attendre. En général, pendant cette période, Kasatsky vivait non par sa volonté, mais par celle de son supérieur, et en cette humilité, il trouvait un calme particulier. Kasatsky passa ainsi cette année dans le premier couvent où il était entré. À la fin de la troisième année, il fut consacré moine-prêtre sous le nom de Serge. Cette consécration était un événement très important pour lui. Autrefois, il éprouvait, quand il communiait, une grande consolation, un véritable transport spirituel. Maintenant que lui-même officiait, l'acte de l'oblation le mettait en un état d'enthousiasme attendri. Mais par la suite, ce sentiment s'émoussa de plus en plus. Une fois, il lui arriva d'officier en cet état d'esprit opprimé dans lequel il se trouvait. Il sentit alors que son enthousiasme disparaissait, et en effet, il s'affaiblit, et l'habitude seule demeura. En général, au cours de la septième année de sa vie monacale, Serge commença à éprouver de l'ennui. Tout ce qu'il fallait apprendre, tout ce qu'il fallait atteindre, il l'avait atteint, et il n'avait plus rien à faire. Mais en revanche, l'esprit d'humilité grandissait en lui de plus en plus. À cette époque, il apprit la mort de sa mère et le mariage de Marie, et reçut les deux nouvelles avec indifférence. Toute son attention, tout son intérêt était concentré sur sa vie intérieure. La quatrième année de son séjour au couvent, l'archevêque s'était montré particulièrement bienveillant à son égard, et le supérieur lui avait dit qu'il ne devait pas refuser un emploi plus élevé si on l'y nommait. Alors l'ambition monacale, celle qui lui répugnait tant chez les moines, s'éveilla en lui. On le nomma dans un couvent très proche de la capitale. Il voulut refuser, mais le supérieur lui ordonna d'accepter cette nomination. Il l'accepta, fit ses adieux à son maître et alla dans l'autre couvent. Ce passage dans le couvent de la capitale était un événement très important dans la vie de Serge. Il trouvait là de nombreuses tentations et il devait employer toutes ses forces à lutter contre elles. Dans l'ancien couvent, la tentation de la femme tourmentait très peu Serge. Ici, cette tentation s'éveilla en lui avec une force terrible et arriva à un tel point qu'il reçut même une forme très définie. Une dame, connue par sa mauvaise conduite, se mit à flatter Serge. Elle s'entretenait avec lui et lui demandait de venir chez elle. Serge refusa nettement, mais il était horrifié de la netteté de son désir. Il en était si effrayé qu'il écrivit à ce propos à son maître. C'était peu. Pour se discipliner, il appela son jeune novice et, vainquant sa honte, il lui avoua sa faiblesse et le pria de le surveiller et de ne le laisser aller nulle part, sauf pour le service hors du couvent. Une autre très grande tentation pour Serge était celle-ci. Le supérieur du couvent, un homme très habile, très mondain, qui faisait sa carrière ecclésiastique, lui était au plus haut degré antipathique. Le père Serge essayait par tous les moyens de vaincre cette antipathie et n'y pouvait parvenir. Il s'humiliait, mais au fond de son âme, il ne cessait de le blâmer. Et une fois, au cours de la deuxième année de son séjour dans le nouveau couvent, ce mauvais sentiment éclata. C'était le jour de l'intercession de la Sainte Vierge. On disait les vêpres dans la grande église. Beaucoup de personnes étaient venues de la ville. Le supérieur lui-même officiait. Le père Serge, à sa place habituelle, priait, c'est-à-dire était en cet état de lutte dans lequel il se trouvait toujours pendant le service, surtout quand il avait lieu dans la grande église. La lutte qu'il soutenait était due à ce que les visiteurs, les messieurs et surtout les dames l'irritaient. Il tâchait de ne pas voir, de ne pas remarquer ce qui se faisait, de ne pas voir comment un soldat qui accompagnait des dames bousculait le peuple. Comment les dames se montraient les moines, souvent lui-même, et un autre moine très connu et très beau. Il mettait toute son attention à ne rien voir, sauf la clarté des cierges sur l'autel, les icônes et les officiants, de ne rien entendre, sauf les paroles des prières récitées et chantées, et de n'éprouver aucun autre sentiment sauf l'oubli de soi-même ou la conscience de l'accomplissement de son devoir, sentiment qu'il éprouvait toujours en écoutant et répétant d'avance les prières entendues tant de fois. Il restait ainsi debout, s'inclinant, se signant et luttant quand c'était nécessaire, lorsque le trésorier, le père Nicodème, encore une grande tentation pour le père Serge qui lui reprochait involontairement sa flatterie envers les supérieurs, s'approcha de lui et le saluant en pliant le corps en deux, lui dit que le supérieur le priait de venir dans le sanctuaire. Le père Serge ajusta sa robe, mit son bonnet et avec précaution se frayait un chemin à travers la foule. « Lise, regarde, à droite, c'est lui !» dit une voix de femme qui l'entendit. « Ouh, ouh, il n'est pas tellement beau !» Il savait qu'on parlait de lui. Il entendit et, comme toujours en pareil cas, il répéta les paroles. « Ne nous laisse pas succomber à la tentation !» Et la tête et les yeux baissés, il passa devant l'ambon, contourna les chanoines, en passant devant l'iconostase et entra par la porte du nord. En entrant dans le sanctuaire, il fit par habitude un large signe de croix en s'inclinant profondément devant l'icône, ensuite leva la tête et regarda le supérieur, près duquel se tenait un personnage en uniforme brillant, et sur tous deux il jeta un regard du coin de l'œil. Le supérieur, vêtu des ornements des grandes fêtes, se trouvait près du mur. Il retirait de dessous sa chasuble ses bras courts et gras, qu'il posa sur son gros corps et son ventre, et en essuyant les galons de sa chasuble et souriant, il dit quelque chose à un militaire en uniforme de général, avec les aiguillettes et le chiffre d'aide-de-camp de l'empereur, que le père Serge avait remarqué aussitôt avec son œil d'ancien militaire. Ce général avait été colonel du régiment dans lequel avait servi Serge. Maintenant, évidemment, il occupait une haute situation. Le père Serge avait remarqué aussitôt que le supérieur savait cela, qu'il en était heureux, et que c'était pourquoi sa large tête rouge, chauve, brillait ainsi. Cela offensa et attrista le père Serge, et son mécontentement s'accrut encore quand il vit que son supérieur l'avait appelé uniquement pour satisfaire la curiosité du général, qui, disait-il, avait désiré voir son ancien camarade. « Je suis très heureux de vous voir dans cette image de l'ange, » dit le général en lui tendant la main. « J'espère que vous n'avez pas oublié votre ancien camarade. » Le visage rouge et souriant du supérieur qui semblait approuver les paroles du général, le gros visage soigné de celui-ci, son air satisfait, l'odeur de vin émanant de sa bouche et celle de cigares de ses favoris, tout cela mit le père Serge hors de soi. Il salua de nouveau le supérieur et dit « Votre éminence m'avait fait appeler ?» Puis il s'arrêta, demandant par toute l'expression de son visage et de ses yeux « Pourquoi ?»« Oui, pour voir le général. » dit le supérieur. « Votre éminence, je me suis retiré du monde pour échapper à ces séductions, » dit-il pâle, les lèvres tremblantes. « Pourquoi donc me soumettez-vous à la tentation ici, dans le temple de Dieu, pendant les prières ?»« Bah, bah !» dit le supérieur, en s'empourprant et les sourcils froncés. Le lendemain, le père Serge demanda pardon au supérieur et à la confrérie, pour son orgueil, mais en même temps, après la nuit passée en prière, il avait résolu qu'il devait quitter ce couvent. Il écrivit dans ce sens à son maître, le suppliant de lui permettre de retourner près de lui. Il écrivait qu'il sentait sa faiblesse, son incapacité à lutter seul sans l'aide de son maître contre les tentations, et il se repentait de son péché d'orgueil. Par retour du courrier, il reçut la lettre de son maître, dans laquelle celui-ci lui écrivait que la cause de tout cela était son orgueil. Le religieux lui expliquait que son emportement, sa colère, provenait de ce qu'il s'était humilié, avait renoncé aux honneurs, non pour Dieu, mais par orgueil. Voilà quel homme je suis, je n'ai besoin de rien. C'est pourquoi il n'avait pu supporter l'acte de son supérieur. Voilà, j'ai renoncé à tout pour la gloire de Dieu, et on me montre comme une bête fauve. Si tu avais renoncé à la gloire pour Dieu, tu aurais supporté cela, mais c'est l'orgueil du monde qui n'est pas encore éteint en toi. J'ai beaucoup pensé à toi, mon fils Serge, j'ai prié. Et voici ce que Dieu m'a inspiré à ton sujet. Vis comme auparavant et soumets-toi. On vient d'apprendre qu'est mort dans son ermitage un reclus de Vicinte, Hilarion, retiré là depuis 18 ans. Le supérieur de l'ermitage nous demande s'il n'y aurait pas un de nos pères qui désirerait vivre ainsi. Et justement, je reçois ta lettre. Va chez le père Païssy du couvent de T. Je lui écris et demande la permission d'occuper la cellule d'Hilarion. « Ce n'est pas que tu puisses remplacer Hilarion, mais tu as besoin de la solitude pour dompter ton orgueil. Que Dieu te bénisse. » Serge écouta son maître. Il montra sa lettre au supérieur en lui demandant la permission de partir. Il laissa au couvent les différentes choses qu'il possédait et se rendit à l'ermitage de T. Le supérieur de l'ermitage de T, d'origine marchande, reçut Serge avec beaucoup de calme et de simplicité et le laissa seul. La cellule était aménagée dans une grotte creusée dans la montagne. Là était enseveli Hilarion. La loge du fond était le tombeau d'Hilarion. La plus proche de la sortie était arrangée pour y vivre. Il y avait là une paillasse, une petite table, une étagère avec des icônes et des livres. À l'extérieur de la porte qui fermait ce réduit était fixée une planchette. Sur cette planche, une fois par jour, un moine apportait du couvent la nourriture. Et le père Serge devint ermite.